Le lino aveugle. Rien n'est difficile à lever comme un lino. Ce musicien d'habit marron exige, si on ne veut pas le voir mourir en cage, presque autant de soins que le rossignol, avec lequel il rivalise d'entrain et de virtuosité. Pris tout jeune au nid, alors qu'un léger duvet le couvre, pareil à celui dont on se revêt pour passer la saison mauvaise le fruit de riz du cognacier, on doit le nourrir à la béquée, lui donnant, et cela, comme une fois par jour, pendant combien de semaines, une goutte d'eau claire, un peu de pâté d'amande douce ou de chènevis, au bout d'un bâton enveloppé de linge. Moyennant quoi, l'oiselier n'est pas même sûr d'en sauver un sur la nichée. Mais aussi, quel triomphe quand il y réussit, et quelle joie, toujours nouvelle, d'entendre éclater, à chaque retour de l'aurore, cette poignante mélodie faite d'appels passionnés et de plaintes intarissables, qu'on appelle chanson, la naïve cruauté des hommes. Je n'incite d'ailleurs ni ne proteste. Le dilettantisme a ses droits, et chacun sait qu'en ce bas monde, l'art est le frère cadet de la douleur. Donc, ceci remonte à longtemps, et le souvenir m'en reste doux. Vers la fin de mes années de collège, un matin, que je vaguais à travers bois, cherchant un sonnet pour ma cousine, il m'arriva de découvrir un nid de lino. De lino, oui, tout de suite, je le reconnus, rien qu'à son aspect.